Si vous êtes une femme ou que vous aimeriez savoir comment fonctionne un lave-linge, allez direct en plage 15. Si vous êtes un homme ou que vous aimeriez pisser en marquant votre nom dans la neige, allez direct en plage 16.